La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Elles sont 700 millions de personnes à habiter les forêts tropicales humides de la planète et pourtant ces populations forestières sont souvent méconnues, voire ignorées, alors qu'elles jouent un rôle majeur dans leur milieu. Ils sont les derniers peuples de chasseurs-cueilleurs, des cultivateurs ou des exploitantes de ces écosystèmes tropicaux. Et on les trouve en Amazonie, en Afrique centrale ou en Asie du Sud-Est. Des chercheurs de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, publient justement un ouvrage sur ces habitants de la forêt tropicale aujourd'hui. Ils sont ethnobotanistes, ethnoécologues, socio-anthropologues. Ils sont mes invités, elles sont mes invitées dans un instant pour nous raconter la vie et les enjeux de ces populations. Et j'attends bien sûr vos messages et toutes vos questions pour en parler sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Encore une surprise de taille aujourd'hui dans l'histoire du vivant sur la Terre, la une de la science. Oui, avec la découverte d'un très vieux fossile de champignon. Il aurait environ 1 milliard d'années, c'est beaucoup, même pour un champignon, et on vous le présente dans un instant. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission qui a été préparée par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Habiter la forêt tropicale au 21e siècle, c'est donc un ouvrage qui paraît aux éditions de l'IRD. Je salue mes invités avec moi en studio, Stéphanie Carrière, ethno-écologue, et Bernard Moiseau, socio-anthropologue. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue. Et puis par téléphone depuis Avignon, Geneviève Michon qui est ethno-botaniste. Bonjour à vous. Bonjour. Stéphanie Carrière, ce qui frappe d'emblée lorsqu'on lit cet ouvrage, c'est le nombre de personnes qui vivent dans les forêts tropicales. On les estime à 700 millions. Est-ce que c'est simple finalement de pouvoir les comptabiliser ? Effectivement, elles sont très nombreuses et ce qui est surprenant d'autant plus, c'est qu'on ne les voit pas facilement. Il faut faire des trajets assez longs, les villages sont souvent très enclavés. Et de ce fait-là, et du fait également que ces populations se situent dans des pays où les services publics sont parfois défaillants, eh bien, il reste néanmoins très difficile, effectivement, de les recenser. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par habiter dans la forêt ? Parce qu'on peut effectivement trouver des personnes isolées dans des villages, mais au Brésil, il y a aussi de très très grandes villes qui sont au cœur de la forêt amazonienne. Alors, comment on les distingue ? Je pense qu'on ne les distingue pas vraiment. Habiter dans la forêt, c'est effectivement y vivre physiquement, mais ça peut être aussi en dépendre plus ou moins directement pour notamment se procurer les ressources dont on dépend pour sa survie. Ouais, Bernard Moiseau, hein, justement, il ne faut pas s'y tromper parce que ces populations forestières, c'est ce qu'on verra aussi avec vous, vivent de plein pied dans la modernité. Hein. Il y a des allers-retours permanents finalement entre l'urbain et le milieu forestier. Oui, et de plus en plus aussi, on peut parler de populations qui sont contraintes à se replier en forêt parce qu'il y a eu un accaparement des terres ou des situations bien particulières qui ont fait qu'elles ont eu à se replier en forêt ou d'autres qui vivaient en forêt qui en sont ressortis mais qui y retournent régulièrement. Et comme vous le soulignez, il y a effectivement maintenant la modernité, le téléphone portable, voire parfois des antennes internet locales qui permettent aux gens de correspondre avec l'ensemble de leur groupe ethnique ou d'autres sociétés. Ouais, donc on a une image assez erronée finalement de ces populations. C'est l'intérêt aussi de cet ouvrage, hein, c'est de pouvoir nous faire vivre réellement ce que ces populations ont comme vie quotidienne, tout simplement. Voilà, on a essayé dans cet ouvrage qui est richement illustré, de nous adresser d'abord au grand public plutôt, et puis surtout de faire partager des expériences de chercheurs, d'une grande diversité de terrains aussi qui sont présentés, et puis montrer que c'est pas uniquement des chasseurs-cueilleurs qui vivent en forêt, qu'il y a plein d'autres types de populations qui vivent en forêt dans des situations pas toujours simples. Depuis les exploitants jusqu'aux agriculteurs, on va en parler avec vous. Sans oublier les chercheurs. Absolument. Geneviève Michon, ce sont donc les liens entre les forêts et les hommes que vous avez explorés dans le livre, avec ces populations forestières qui jouent, par exemple, un rôle de premier plan auprès des arbres. C'est un sujet qui vous intéresse, vous ? Oui, c'est un sujet sur lequel je travaille donc depuis fort longtemps, on va dire, et c'est ce qui m'avait frappé la première fois que j'ai mis les pieds dans les forêts tropicales, c'est à quel point ces personnes qui habitaient dans les forêts tropicales avaient compris l'arbre, hein, et forcément, ils vivent au quotidien avec les arbres et à quel point leur agriculture était une agriculture agro-forestière, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, c'est-à-dire une agriculture avec les arbres une agriculture qui avait tout compris, des dynamiques forestières, et qui ne séparait pas arbitrairement ce qui dépend de la forêt et ce qui dépend des champs ouverts. Donc c'est un savoir précieux qu'on va comprendre avec vous dans quelques minutes. Habiter la forêt tropicale aujourd'hui, c'est un sujet donc nouveau, en tout cas dans la tête au carré, qu'on n'avait jamais abordé. Et c'est l'occasion d'en parler également avec les auditeurs et toutes les questions sur franceinter.fr. A tout de suite. Alors aujourd'hui, on va aller à la cueillette des champignons. On va commencer par le champignon le plus facile à trouver, qui est le plus différent de tous les autres. C'est la dermatose des russules, qu'on appelle aussi le champignon homard. Voilà, le champignon homard en bon québécois. Et puis ben nous, Axel, cet après-midi, on va s'intéresser aux champignons beaucoup plus difficiles à trouver. Hein, ceux qui étaient là il y a 1 milliard d'années. Et c'est la une de la science avec cette sacrée révolution, on peut dire les choses comme ça. Oui, hein. Le fossile dont on va parler ne ressemble pas du tout à un bolet ou une chanterelle. Il est minuscule, c'est une sphère d'une trentaine de micromètres avec des filaments qui s'en échappent. Il a été déniché par une équipe internationale dans l'Arctique canadien. Il est daté entre 800 millions et 1 milliard d'années. Il chamboule complètement notre vie. Vision du moment où la vie est sortie des océans. Et pour en parler, nous recevons une des auteurs de ce travail publié dans la revue Nature, Emmanuelle Javot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur ordinaire à la faculté des sciences de Liège, au laboratoire Première Trace de Vie, Évolution et Astrobiologie. Alors racontez-nous un peu comment vous avez trouvé ce fossile exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de cette petite bille microscopique ? En fait, nous avons un projet international avec des Canadiens pour étudier justement comment les eucaryotes, donc les organismes qui ont noyau dans leurs cellules, se sont diversifiés et quels restes ils ont laissés dans l'Arctique canadien. Alors pourquoi est-ce qu'on est allé là-bas ? Parce que la géologie est magnifique, les roches, les affleurements sont très très grands et les roches sont très très bien préservées. Et donc on espérait bien pouvoir trouver des fossiles dans ces roches. Des fossiles ont été trouvés précédemment, mais dans des roches un peu plus jeunes. Mmh. Et donc on espérait en trouver. Ah bah quand même, avant cette publication, l'âge du plus vieux champignon, c'était 400 millions. Là, maintenant, c'est 1 milliard. C'est un sacré bond en arrière, non ? Oui, oui. On a reculé de 500 millions d'années environ. Comment est-ce que vous avez fait pour être sûr que cette petite boule qu'on voit bien est un ancien champignon ? Comment est-ce que vous avez procédé pour le prouver ? En fait, on utilise une démarche multidisciplinaire. Donc, on va d'abord récolter beaucoup d'échantillons et dans des roches dont on pense qu'elles pourraient contenir des microfossiles, mais évidemment, on ne le sait pas à l'avance puisqu'on ne les voit pas à l'œil nu. Et puis, on va effectuer des sections dans ces roches. On va regarder si on voit éventuellement des fossiles préservés dans la roche. C'est très important de prouver que ces fossiles sont bien dans la roche et pas une contamination. Mmh. Alors, on en a vu et donc on a dissous certains échantillons avec de l'acide qui détruit les minéraux mais pas la matière organique qui est assez résistante. Et on a découvert de magnifiques microfossiles, tout un assemblage d'espèces dont certaines sont nouvelles. Et donc, ça, c'est le travail d'un de mes doctorants, Corentin Leron, qui a décrit cet assemblage et qui a analysé plus en détail ce microfossile. Alors, on a d'abord étudié sa morphologie, donc simplement avec la microscopie classique et puis la microscopie électronique qui permet de voir vraiment des détails à haute résolution. Et donc, on a vu que ces fossiles étaient constitués de sphères avec des filaments qui se divisent, mais en forme de T, donc à angle droit, et avec des septes dans ces filaments, donc des petites cloisons, donc ça veut dire qu'ils sont multicellulaires. Oui. Ensuite, on les a coupés eux-mêmes en tranches ultra fines, de environ 70 nanomètres d'épaisseur, et on les a regardés avec un autre type de microscope, un microscope électronique à transmission. Et ça permet de voir les détails de la paroi organique de ces tout petits fossiles. Et on a vu que cette paroi organique était faite de deux couches, dont une qui contenait des fibres. Et enfin, on a également analysé ces fossiles donc qu'on a prélevés un à un, donc on sait exactement ce qu'on analyse. On les a analysés en utilisant un microscope couplé à un spectromètre infrarouge pour connaître la composition de cette paroi organique qui s'avère compatible avec une composition de chitine. Et donc on a l'association de trois critères, la morphologie, l'ultrastructure et la composition, qui ensemble prouvent que ce sont des champignons. Et vous en êtes sûr ? En fait, la morphologie peu une morphologie semblable peut être trouvée dans certains organismes, bien qu'ils n'ont pas cet embranchement nécessairement en T. La chitine, on la trouve dans d'autres types d'organismes comme les crevettes, même certains micro-organismes, ils n'ont pas du tout cette morphologie-là. Et l'ultrastructure avec des fibres comme ça est également typique de champignons. Donc c'est vraiment un assemblage de preuves qui nous permet de confirmer que ce sont bien des champignons. On vous croit avec tous ces détails, on vous croit. Mais de toute façon, quand on veut donner une date comme ça, il faut en apporter des preuves solides. Il y a un milliard d'années, Emmanuel Javot, selon les connaissances actuelles, la vie n'était pas sortie des océans, les terres émergées n'étaient que des roches nues et l'atmosphère était hostile. Est-ce que cette découverte va changer un peu cette vision de la Terre il y a un milliard d'années ? Oui. Mais donc ces fossiles, ils sont plus jeunes qu'un milliard et plus vieux que 900 millions d'années. On a daté, c'est juste pour préciser, la couche au-dessus et en dessous. Donc ils sont bien datés. Donc oui, la Terre était tout à fait différente de maintenant. Les océans étaient stratifiés. L'oxygénation de la Terre était progressive. Elle est due à un certain type de bactéries qu'on appelle des cyanobactéries. Et donc à cette époque-là, on avait un petit peu d'oxygène à l'atmosphère, un petit peu dans l'eau peu profonde de la mer, et puis tout le reste était anoxique, donc sans oxygène. Alors de fait, sur les continents, ben, on ne connaissait pas de vie à l'époque. Ce qu'on connaît, c'est on sait qu'il y avait déjà des eucaryotes, puisque les plus vieux eucaryotes datent de 1,7 milliard d'années, mais on ne sait pas de quel type d'eucaryotes il s'agit. Et ce qui est intéressant ici, c'est que grâce à cette étude, on reconnaît ces eucaryotes comme des multicellulaires, comme des champignons. Alors ça veut dire que les champignons, ils font partie d'un groupe d'eucaryotes qui contient aussi les animaux. Et donc ça veut dire que les champignons et les animaux ont un ancêtre commun qui est plus vieux que les fossiles qu'on a trouvés, puisque les fossiles qu'on a trouvés sont déjà des champignons. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau, puisque avant cela, les plus vieux animaux datent de 635 millions d'années environ, et ce sont des molécules fossiles d'éponges. Et puis les fossiles d'animaux en tant que tels, ça date seulement de 550 millions d'années environ. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire aussi que, en fait, ces champignons, on les a trouvés préservés dans des roches qui correspondent à un environnement d'estuaire, donc là où un fleuve se jette dans l'océan. Et ils sont préservés dans ces sédiments-là, dans de la boue qui est devenue une roche. Mais on ne sait pas s'ils vivaient là, ou s'ils vivaient sur le continent et ont été transportés par le fleuve, ou vivaient dans l'océan et ont été transportés par les marées. Donc ça, c'est encore une question qu'on aimerait élucider. Est-ce que les champignons sont apparus finalement sur le continent ou dans l'océan et ont migré dans un sens ou dans l'autre ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle surtout des champignons terrestres, mais en fait, il y en a beaucoup de marins aussi qu'on connaît moins, mais qui existent aussi. Donc les travaux ne sont pas terminés, Emmanuel Javot. Vous avez encore beaucoup de boulot devant vous. Et en tout cas, on était ravis de vous accueillir pour parler de cette publication Nature. Vous qui êtes donc professeur au laboratoire Première Trace de Vie, Évolution et Astrobiologie. Je trouve ça très très beau comme nom de labo. Merci beaucoup à vous et Axel, on se retrouve demain. Merci, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, des fleuves sous antibiotiques avec une étude anglaise qui révèle que les grands fleuves du monde s'imbibent de plus en plus de substances antibiotiques déversées par les eaux issues de l'élevage et de l'épuration. Menée dans 72 pays sur tous les continents, l'étude montre que 65% des fleuves testés présentaient donc des traces d'antibiotiques pouvant aller jusqu'à 300 fois les niveaux sécuritaires sur les sites les plus contaminés. L'Afrique et l'Asie comptabilisent le plus grand nombre de sites justement très contaminés. En Alaska, les macareux meurent de faim. En 2016, des centaines de macareux huppés étaient retrouvés morts sur l'île de Saint-Paul en mer du Bering. Les autorités avaient alors craint une épidémie de grippe aviaire ou un virus inconnu. Mais c'est en réalité le réchauffement climatique qui a tué ces oiseaux. Une étude publiée cette semaine démontre que ces animaux sont morts de faim faute de ressources suffisantes disponibles. Ils n'avaient pas de graisse et leurs muscles étaient en train de fondre, ont précisé les auteurs du papier. Et puis pour terminer, les grandes villes fabriquent-elles leur propre grisaille ? Il était déjà démontré que l'air des grandes capitales était plus chaud de quelques degrés que celui des banlieues proches. Et bien, des chercheurs polonais remarquent cette fois que la couverture nuageuse sur ces mêmes villes géantes est plus importante en moyenne que celle des aires rurales alentour. Un effet surtout visible en début de matinée et en fin de journée, et étudié au-dessus de Londres et Paris. La chaleur accumulée entre les bâtiments pourrait créer donc des turbulences qui alimentent les nuages en humidité. Allez, on parle des habitants de la forêt tropicale dans un instant. C'était Vodou Game avec Roger Dama Musant et pas contente. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, habiter la forêt tropicale au XXIe siècle, c'est un beau sujet et un livre qui paraît aux éditions de l'IRD. Je reçois ces trois auteurs, Stéphanie Carrière, qui est avec nous en studio. Vous êtes ethno-écologue et vous travaillez sur les pratiques paysannes en lien avec le maintien de la biodiversité forestière. Donc c'est très spécialisé aussi hein, comme discipline. Oui, c'est très spécialisé. Néanmoins, quand on fait de l'ethnoécologie, on s'intéresse, par exemple, à ce que vous disiez, donc le lien entre les pratiques traditionnelles et la biodiversité. Mais de fait, on est obligé de s'intéresser à la société dans sa globalité. Bernard Moiseau, vous êtes socio-anthropologue à l'IRD. Vous avez mené des recherches en milieu forestier, donc en Asie du Sud-Est et à Madagascar. Même chose, vous avez quel regard sur ces populations ? Ben moi, je pars plutôt, évidemment, avec l'approche anthropologique. Donc, au départ, plutôt la représentation qu'ont les gens du milieu forestier, les usages, les pratiques, et puis les contradictions auxquelles elles se retrouvent confrontées dans le contexte contemporain. Ouais. Et puis, Geneviève Michon, vous êtes avec nous par téléphone. Vous êtes ethnobotaniste, donc toujours à l'IRD. Et vos recherches, on le disait hein, tout à l'heure, portent sur les relations des agriculteurs à la forêt. Et les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages et toutes les questions sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé, la taxe, signalons quand même que ce livre est préfacé par le botaniste Francis Allais, qui vous a écrit une belle préface, pour justement discuter de cet ouvrage. Vous travaillez donc dans différents lieux de la planète. Comment vous avez réussi à vous coordonner et quel est l'esprit finalement du livre Bernard Moiseau ? Eh bien écoutez, il se trouve que moi je suis directeur d'unité de recherche à laquelle appartiennent mes deux collègues qui ont contribué à cet ouvrage. On a commencé à travailler au début sur un projet qui était un projet d'une édition en ligne sur le site de l'IRD. Et puis petit à petit, ça a eu pas mal de succès. Donc on nous a demandé, sollicité pour faire cet ouvrage plutôt en direction, on va dire, du monde, en dehors du monde scientifique lui-même. Donc c'est pour ça que c'est assez illustré des articles très bref. Et puis on a sollicité d'autres collègues d'autres milieux qui travaillent d'autres unités de recherche bien sûr, mais on s'est limité au milieu tropical humide, sinon on aurait eu beaucoup de choses aussi à dire sur d'autres régions du monde. Mais vraiment c'est un travail de collaboration de plusieurs unités, de plusieurs disciplines et c'est toute la richesse je crois de cet ouvrage. Ouais, Stéphanie Carrière, des articles courts, mais enfin il y a de la matière quand même hein, dans le livre, il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui, je pense qu'on a réussi à, en toute modestie, à, sans être totalement exhaustif, parce qu'évidemment c'est tout à fait impossible, mais on a réussi, je pense, à brosser des choses assez essentielles d'un point de vue géographique, donc avec les trois continents, mais aussi à replacer les sociétés dans leur environnement et à les replacer également dans le temps ancien et dans le temps d'aujourd'hui. Ouais. Donc c'est assez complet, je pense. Geneviève Michon, il y a quand même une méconnaissance hein, de ces populations des forêts tropicales et c'est toute la vertu d'ailleurs de cet ouvrage, c'est de nous les faire connaître. C'est une méconnaissance qui est fort ancienne, hein, ce qui remonte à la colonisation. Les colons arrivant, administrant toutes ces régions, arrivant avec d'abord leur impression de supériorité, et puis n'ayant pas les clés pour comprendre comment ces gens-là habitaient, pourquoi ils traitaient les espaces comme ça, quelles pouvaient être leurs relations aux ressources, aux forêts. Et ça a effectivement fait beaucoup de dégâts. Oui. Parce que quand on ne comprend pas et qu'on pense qu'on a raison, ben on impose son modèle avant de comprendre le modèle qui est là. Et parfois, ben, il ne reste plus grand-chose du modèle qui est là après 70, 80, 150 ans de colonisation, qui a continué bien évidemment après l'indépendance des États, c'est-à-dire que les mêmes schémas, les mêmes normes ont été reprises, hein, des normes qui sont tout à fait occidentales et qui ont du mal à comprendre ce qu'est un mode de vie en milieu forestier, ce qu'est une agriculture en milieu forestier tropical. Bernard Moiseau, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent justement sur ces populations particulières dans le monde. D'une manière générale, oui, il y a beaucoup de scientifiques de différentes disciplines, d'une part. Parce que vous me disiez tout à l'heure, au milieu de cette population, il faut aussi compter les chercheurs. Hein. Eh ben oui, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs en forêt, ouais. Donc parfois ce sont même eux seuls qui ont le droit d'accéder à certaines forêts, certaines parties des réserves qui sont justement, comme on en indique, uniquement réservées à la recherche, et donc nous certaines populations sont exclues, ce qui est pas très logique et voire scandaleux. Et puis, il y a tout un tas de manifestations scientifiques au niveau international. Il y a eu, il y a pas très longtemps, à Montpellier, là, le congrès d'agroforesterie, d'une part, hein, mais aussi de plus en plus de présence, justement, des représentants de ces populations forestières dans ces instances scientifiques. Et ça, c'est très important, évidemment. C'est très important pour parce qu'on entend leur voix. Voilà, elles sont là pour certaines revendications, simplement le droit d'habiter où elles ont vécu ou grandi, le droit aussi d'une reconnaissance de certaines pratiques, parce que beaucoup de leurs pratiques ne sont pas reconnues, donc ne donnent pas de droit d'accès aux fonciers officiellement. Et puis aussi, celles qui sont déplacées, marginalisées, où on a vu il n'y a pas longtemps encore les populations brésiliennes se faire représenter, venir à Paris. Là, absolument. Avec ce chef Raoni, qui était un personnage extraordinairement charismatique. Et qui a repris du service. Hein, exactement. Parce que oui. On l'avait beaucoup vu dans les années 80-90. Exactement. Et puis malheureusement, il est obligé de revenir pour qu'on ait aussi une image, nous aussi, en Occident, hein, d'un représentant de ces populations, des peuples autochtones, là, en l'occurrence. Oui, et cette année, c'est l'année, je crois, des langages des peuples autochtones. Et donc, on a profité aussi de cette occasion pour sortir cet ouvrage à cette occasion. Stéphanie Carrière, il y a beaucoup de sédentarité, ou au contraire, est-ce que nombre de ces populations pratiquent le nomadisme ? Alors, on parle beaucoup d'agriculture itinérante sur brûlis. Ça veut dire quoi ? Alors, justement, je dirais que c'est un abus de langage. Autrefois, il y a plusieurs millénaires, les populations bougeaient, se déplaçaient leurs villages, répondant à des logiques de conquête terrestre. Aujourd'hui, les villages, suite à la colonisation d'ailleurs, hein, les villages sont fixés, donc ce ne sont que les champs qui bougent au gré des défrichements autour des villages. Donc l'itinérance est relativement limitée. Les seules populations qui ne sont pas fixées sont les éleveurs, les peuples d'éleveurs qui vivent dans ou hors des forêts. En général, elles sont plutôt à l'extérieur des forêts. Donc oui, ce nomadisme est quelque part une forme d'idée reçue que l'on peut avoir sur ces populations des forêts tropicales. Quelles sont les activités auxquelles vous intéressez justement auprès de ces populations, Stéphanie Carrière ? Alors quand on est chercheur comme vous, hein, ethno-écologue, on observe quoi finalement dans les pratiques ? Alors, l'ethnoécologie, c'est une discipline qui vise à comprendre les interactions entre les populations rurales et leur milieu. Donc, en ethnoécologie, on essaie d'avoir une approche interdisciplinaire qui mobilise des outils et des méthodes des sciences sociales, de l'ethnologie, mais aussi des approches plus sciences dures, je dirais, avec des guillemets, de l'écologie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout en vivant au plus près des populations. Et vous passez du temps auprès d'elles, hein. En fait, en ethnoécologie, on est pratiquement obligé de vivre avec ces populations pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, de se lever avec elles le matin, d'aller au champ avec elles pendant la journée, de les observer, de faire avec elles, on appelle ça de l'observation participante, de poser des questions, mais également de regarder ce qu'elles font afin de comprendre quelles sont leurs logiques d'exploitation du milieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre leur pratique, la raison d'être de la pratique, en fonction de leur perception du fonctionnement écologique de la forêt tropicale. Et c'est ces connaissances écologiques de la forêt des populations qui leur permettent de cultiver, d'exploiter cette forêt au mieux pour leurs besoins, mais aussi pour maintenir un équilibre dans cette forêt qui est leur réservoir de ressources. Est-ce que vous partez à la chasse aussi avec ces populations? On part à la chasse pendant plusieurs jours parfois, avec un petit sac à dos. Vous savez chasser parfaitement. Je n'ai jamais chassé, mais j'ai posé des pièges en forêt. Et effectivement, c'est passionnant de se mettre à quatre pattes dans la forêt et d'essayer de suivre les petits sentiers de sangliers pour bien essayer de les retrouver, de poser les pièges exactement à l'endroit où passent les sangliers. Donc c'est une observation fine du milieu qui nécessite une présence et aux côtés des populations, une présence permanente. Donc la chasse, la cueillette, l'agriculture, le rapport à la nature et la pêche, bien sûr. On en parle avec vous cet après-midi, vous êtes les invités de La Tête au Carré pour évoquer donc ces populations qui habitent la forêt tropicale aujourd'hui. Est-ce qu'on peut reprendre au début, reboire le vin que l'on avait bu? Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de fort et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien, comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille en luttant contre le sommeil? Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau, mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler tantôt? Est-ce qu'on peut reprendre à la source, poser les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor? Va savoir ce qui peut éclore, des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence fragiles, mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler fébrile? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Au début, c'était la voix de Renan Luce sur France Inter. La Tête au Carré sur France Inter. Voilà, cet ouvrage Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle aux éditions de l'IRD avec ses auteurs Bernard Moiseau, Geneviève Michon et Stéphanie Carrière, poseuse de pièges pour sangliers, comme elle vient de nous le dire tout à l'heure. Et puis bien sûr vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Geneviève Michon, vous qui êtes en ligne depuis Avignon, du point de vue de votre discipline, vous qui êtes ethnobotaniste, vous vous intéressez donc à ces relations des populations à la nature. Qu'est-ce que vous étudiez en particulier et dans quel endroit de la planète ? J'ai commencé ma carrière scientifique en Indonésie, c'est peut-être le meilleur endroit pour comprendre les relations des populations forestières aux arbres, hein, c'est-à-dire comment elles vivent avec les arbres, pas uniquement pour cueillir, hein, mais comment elles intègrent les arbres dans leur système agricole. Donc ça, ça m'a occupé une partie de mon temps. Et puis, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne s'intéresse pas aussi aux relations des hommes entre eux à propos des arbres. Et c'est là où ça devient tout à fait intéressant, c'est-à-dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la forêt, par les arbres sous les tropiques, et en premier lieu, l'administration forestière. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et comment les populations sont arrivées à ce qu'elles font aujourd'hui si on n'a pas en tête l'historique des relations entre cette administration forestière et ces populations forestières, avec en étudiant leurs différents points de vue sur la forêt, les différentes normes qui déterminent leurs actions, qui déterminent les relations sociales à propos de la forêt. Et en gros, cette histoire entre administration forestière et population forestière est une très longue histoire de conflits permanents. C'est pas spécifique aux forêts tropicales, il y a eu ça aussi sous la latitude tempérée, à partir du moment où on a décrété que les forêts étaient source de richesses pour les puissants, pour les royaumes, pour faire la guerre, pour faire des bateaux, ou pour tout simplement accumuler des richesses. Et depuis ce temps-là, c'est un peu compliqué les relations entre les paysans, quel qu'il soit, hein, où qu'ils habitent, et l'administration forestière. Et donc dans cette forêt tropicale, qui est une forêt très étendue, qui l'était en tout cas à l'époque, qui l'est beaucoup moins maintenant, ces conflits étaient permanents, c'est-à-dire ça allait même jusqu'à la guerre. Hein. Quand ça ne va pas, quand on n'arrive pas à régler les conflits par l'intimidation, bien, en Indonésie en tout cas, on envoyait l'armée. Donc il y a un grand fossé, hein, entre les institutions, c'est ce que vous racontez, hein, et ben, finalement le savoir-faire, toute la maîtrise de ces populations autour de l'agroforesterie, et c'est tout le problème d'ailleurs aujourd'hui, cette pression qui est exercée sur ces populations. L'agroforesterie, alors c'est intéressant, il y a un regain total d'intérêt pour l'agroforesterie en Europe. Et c'est un peu inquiétant parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce quatrième congrès, je crois que c'est le quatrième congrès international d'agroforesterie qui vient de se dérouler à Montpellier. Et quand on est là-dedans, bon, il y avait plus de 1500 chercheurs de tous les pays du monde, tempérés et tropicaux. Et on a l'impression que c'est les chercheurs qui ont inventé, découvert l'agroforesterie, qu'ils ont trouvé que c'était un concept absolument magnifique, que finalement, en remettant des arbres dans l'agriculture, en mettant et non pas en remettant, on allait sauver la planète. Et du coup, tous ces paysans qui ont inventé, enfin ils n'ont pas inventé, ils ont vécu avec l'agroforesterie depuis des centaines d'années, ils passent un peu inaperçus. Et il y a aussi beaucoup maintenant de communication et de projets pour, entre guillemets, faire adopter aux paysans, en particulier sous les tropiques, l'agroforesterie, en oubliant totalement que d'abord, ils ont beaucoup plus de connaissances que les chercheurs sur comment ça marche quand on associe des arbres à des cultures, et que en plus, ça fait juste 50 ans qu'on leur dit d'enlever les arbres, parce que ça gêne la charrue, c'est pas très civilisé. Et maintenant, on vient leur dire d'en remettre. Il y a une espèce de, je sais pas, moi, quelque chose qui pour moi, est de l'ordre de la supercherie. Les chercheurs manquent beaucoup d'humilité en général, mais là, ça devient gênant. Bon, vous faites votre autocritique alors, finalement. Hein. On fait notre autocritique, oui, globale. Hein. Moi, je fais partie du corps des chercheurs. Voilà, tous ne sont pas comme ça, mais voilà, s'affirmer découvreur de quelque chose qui existe depuis des siècles auprès de populations et dont on a essayé on leur a enlevé l'idée de cultiver avec des arbres, et maintenant on revient, alors on est une espèce d'imbécile, vous ne pourriez pas remettre des arbres, il y a quelque chose de très choquant. Bernard Moiseau, le problème de la déforestation, alors il est crucial, hein, l'Asie du Sud-Est évidemment, mais dans toutes les parties du monde, et en Amazonie, on en entend parler tous les jours. Oui, c'est malheureusement un problème planétaire. Alors on entend toujours tout un tas de chiffres, c'est très difficile de vraiment se faire une idée de la rapidité à laquelle ces forêts disparaissent. Mais, et on l'a vu avec le rapport du GIEC il n'y a pas très longtemps, et celui aussi de l'IPBES, c'est pas seulement la forêt qui disparaît, c'est toute la biodiversité. Et pour moi aussi et pour beaucoup de gens, les humains font aussi partie de la biodiversité, bien entendu. Et les humains aussi, ben, disparaissent des milieux forestiers, sont déplacés, vivent à la périphérie des villes, se retrouvent dans des situations dramatiques. Et de précarité extrême. De précarité extrême, avec des problèmes de santé auxquels ils n'ont jamais été confrontés avant, etc. On revit une période noire, comme la période de contact du début de la colonisation. Ouais. On va écouter justement l'extrait d'un film de Laurent Richard sur les Amazoniens de Iowa. C'est au Brésil. C'est un peuple de chasseurs-cueilleurs nomades, justement, toujours autour de la déforestation. C'est l'histoire d'une extermination lente et progressive, celle d'un petit peuple d'Amazonie, les Awa. Encerclés par les bûcherons, le danger se rapproche chaque jour un peu plus de la tribu. Des bûcherons qui alimentent un marché mondial, ce bois coupé illégalement finit souvent chez nous, en lames de parquet ou de terrasse. Nous ne pouvons pas vivre sans la forêt. Où vivrions-nous sans la forêt? Je veux vivre ici. Cette forêt est la nôtre. Laissez-la, elle est si belle. Les Awa comptent parmi les derniers chasseurs-cueilleurs nomades au monde. De leur forêt, il ne reste aujourd'hui plus grand-chose. Et sans elle, ils ne survivront pas. J'ai la conviction que si l'on ne protège pas les Awa, ils seront exterminés naturellement. Ce sera alors un grand génocide que l'humanité ne se pardonnera jamais. Voilà, extrait d'un film de Laurent Richard qui avait été diffusé sur France 5 autour de la déforestation. C'est quelque chose, vous, en tant que chercheur, Stéphanie Carrière, que vous avez vu de vos yeux, j'imagine, et dans différents endroits du monde? Oui et non, je dirais. Parfois, je l'ai vu alors que je ne m'y attendais pas. Et parfois, au contraire, on m'avait dit, tu vas voir, dans cette zone, il y a une déforestation incroyable, très alarmante. Et là, je ne trouvais pas de déforestation très alarmante. Et en fait, à force de côtoyer les forêts tropicales et de voyager dans différentes régions, on se rend compte qu'il n'y a pas une forme de déforestation, mais qu'il y a bien une multitude de formes de déforestation. Et que surtout, de ce fait-là, on ne peut pas généraliser sur la déforestation. Et je crois que c'est très important parce que, pour ce qui est de Madagascar, qui est un pays où je travaille, si on généralise cette question de la déforestation, si on en généralise aussi les causes, on ne peut pas appliquer des solutions qui seront spécifiques à des situations locales très différentes. Donc je pense qu'il est vraiment important de prendre conscience de ça et qu'on ne peut pas parler de la déforestation que l'on attribue en plus à qu'un seul type d'acteur, le paysan tropical, alors qu'il y a aussi toute une multitude de causes de déforestation. On parlait de l'exploitation forestière, pardon, dans le petit reportage, mais il y a aussi l'exploitation minière, légale ou illégale. Il y a également les feux pour les pâturages, l'agro-industrie. Bref, il y a vraiment toute une multitude de... De formes très différentes aussi. Hein. Il y a Marie qui nous envoie ce message sur franceinter.fr. Elle demande si du point de vue agronomique, les sols des forêts ne sont pas assez pauvres pour les cultures. Qu'est-ce qu'on peut en dire alors? Effectivement, les sols des forêts tropicales sont pauvres, sont peu fertiles. Mais le paysan tropical, lui, l'a bien compris. Et il ne parle pas de la fertilité du sol, il parle de la fertilité du milieu. Et ce qui donne la fertilité du sol dans les forêts, eh bien, ce sont les arbres, les alliés des paysans. C'est pour cela que les paysans, après avoir brûlé une parcelle de forêt, et donc avec les cendres, après avoir minéralisé la matière organique, on peut venir cultiver, le sol est redevenu fertile. Mais une fois que le rendement diminue, eh bien, on laisse la jachère s'installer, la matière organique se reconstituer, et on peut éventuellement revenir faire un cycle de culture. Ouais. Donc là, c'est vraiment une alliance entre l'humain et l'arbre. C'est ça. On peut parler de symbiose ou pas dans ces cas-là? Ce serait un petit peu exagéré. Mais il y a quand même vraiment coopération, en tout une cas. Coopération, ouais. Effectivement, quand l'agriculture est bien pratiquée, qu'il y a, on va dire, certains prérequis, par exemple une faible densité de population et qu'il y a suffisamment d'espace pour tout le monde, ce type d'agriculture est tout à fait compatible avec le maintien du couvert forestier. Et là encore, Bernard Moiseau, un savoir-faire précieux. Évidemment, une maîtrise du milieu et de l'écosystème. Absolument, une maîtrise du milieu et de l'écosystème. On sait aussi par les études, notamment en sociolinguistique, donc les études du langage et de ce qui est spécifique dans le langage d'une société, que certaines sociétés ont des vocabulaires extrêmement extrêmement détaillés pour décrire la couleur d'un sol, la granulosité, voir son goût, etc. Ce qu'on sait aussi un peu des paysans chez nous qui goûtaient parfois le sol ou qui le mettaient. Bon, dans d'autres sociétés, on fait un peu autre chose. On met une petite poignée du sol sous l'endroit où on dort. Et puis, si on n'a pas de cauchemar, ça veut dire que les esprits du territoire vous autorisent à le mettre en culture. Donc, il y a ça. Il y a tout un tas de vocabulaire aussi sur la richesse d'une forêt, la taille des arbres, etc., qui sont là aussi des indicateurs. Mais ce savoir-faire, il se transmet. Les gens savent très bien où trouver telle espèce ou qu'est-ce qui va fructifier à telle période de l'année, etc. Et donc, fructification, c'est aussi des animaux qui vont venir. Et puis, quand les gens vont vers leur champ en forêt ou même quand ils vont faire de la chasse, eux-mêmes participent à la reforestation en plantant des espèces bien particulières, soit pour des plantes médicinales, soit des utilisations comme le raffia ou d'autres plantes. Là aussi, une connaissance importante, voilà, sur la pharmacopée, sur l'utilisation des différents types de bois, ligneux et autres. Voilà. Allez, habiter la forêt au 21e siècle. On poursuit notre discussion avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably end it quick reason, it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nah, Sims won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a offense, Little Sims. La tête au carré. Allez, avec mes invités, nous parlons donc de ces forêts tropicales et de leurs habitants, leur population, avec Geneviève Michon, Stéphanie Carrière et Bernard Moiseau, et vos messages sur franceinter.fr, et le mot-clé, l'attaque. Il y a beaucoup de questions. Patrice nous dit, il est inadmissible que les peuples des forêts soient privés de leur milieu, voire persécutés. L'élection de Bolsonaro augure du pire, et il demande, Patrice, si l'ONU peut se saisir de ce problème et contraindre les dirigeants au respect de ces peuples. Bernard Moiseau. Oui, c'est vraiment un souci. Heureusement, depuis 2007, il existe la reconnaissance des peuples autochtones avec un texte, une charte de l'UNESCO. Il y a aussi des mouvements transnationaux pour les populations autochtones qui se saisissent de ces questions-là, qui tentent de faire entendre leur voix. De plus en plus, d'entre eux ont des fonctions aussi dans la magistrature, voire se font élire. Donc on peut espérer que leur voix sera entendue. Malheureusement, de l'autre côté, il y a aussi des intérêts sonnants, trébuchants, des questions de stratégie et d'État. Et c'est très, très compliqué. Très compliqué. La pression des États dans certains pays, la pression des industries aussi, Stéphanie Carrière, ça aussi, quand on est sur le terrain et qu'on vit auprès de ces populations, on peut être amené à le ressentir très fortement. On le ressent pas directement lorsqu'on est sur le terrain dans des zones assez reculées. Je dirais qu'on le ressent ponctuellement, par exemple, de manière parfois assez inattendue lorsque le contexte socio-économique local change subitement. Par exemple, lorsqu'on construit une route. Ouais. Eh bien, je l'ai vu d'ailleurs au sud Cameroun, la zone où j'ai travaillé pour mon travail de doctorat. Qui était une zone totalement privée de perturbations. Le ministre élu à l'époque habitait dans cette région. Il a fait construire une route. Et on a vu très vite fleurir des exploitants forestiers en nombre qui venaient exploiter tous ces arbres que les paysans avaient pris le soin depuis des millénaires de préserver et de sélectionner pour avoir une forêt à leur goût. Mmh. Et je trouvais ça assez tragique de me dire que finalement, ça tient pas à grand-chose. Et... que peut-on faire contre ça? Je ne sais pas trop. Mmh. Geneviève Michon, alors on parle tellement de développement durable, de transition écologique. Ces populations forestières arrivent à gérer la forêt de manière tout à fait durable en général? Avec leurs pratiques, avec leur savoir et avec les relations sociales qui existent chez ces populations, oui. Le problème, c'est bien l'interaction avec l'extérieur. Je suis pas tout à fait d'accord avec Stéphanie. On n'a pas les mêmes terrains, on n'a pas les mêmes expériences. Mais il y a des situations dans lesquelles on sent au quotidien cette pression. Moi, j'ai travaillé dans les années 90 à Bornéo, au moment où le palmier à huile arrivait à fond. Oui. Et là, les gens sont terrorisés parce qu'ils savent bien qu'ils risquent de perdre leur terre, voire de perdre leur vie. Et quand ça arrive, mais comme une vague de répression terrible. Et donc, cette pression de l'extérieur, cette pression économique, on la ressent directement. Et on voit bien qu'on est un peu, c'est David et Goliath, hein. D'un côté, on a des pauvres qui n'ont pas de représentation politique ou très peu, malgré ce que dit Bernard. Heureusement, ça change un peu. Mais de l'autre côté, on a des gens de plus en plus riches et qui sont au pouvoir. Donc, voilà, l'issue, malheureusement, est pas toujours en faveur de ces populations forestières. Cette écologie de la forêt tropicale, de la déforestation, c'est bien avant tout une écologie politique. Hein. Alors on va écouter justement l'extrait d'un documentaire autour de Madagascar sur l'autogestion des forêts, puisque là-bas, depuis 2004, 19 communautés locales se sont réunies, dont l'Union Verte, qui comprend 2000 membres et qui a pour mission justement de gérer la forêt de Tapia, qui fait 2240 hectares. Les élus locaux ont établi une convention entre les communautés de base, le service des eaux et forêts et la commune. La population avait le souci de préserver la forêt et c'est elle qui a exprimé le souhait que la responsabilité de la gestion lui soit transférée. En 2004, 19 communautés de base se sont regroupées au sein de l'Union Verte afin de mettre en place les procédures de gestion de la forêt de Tapia. La forêt de Tapia est une forêt unique. Le Tapia est un arbre endémique des hauts plateaux de Madagascar, le seul arbre qui héberge le ver à soie. C'est la fabrication du charbon de bois qui a causé sa destruction à partir de 1980. Les membres des communautés de base ainsi que les agents de la commune et du ministère des Eaux et Forêts font appliquer la DINA, un cadre réglementaire créé pour la forêt de Tapia. Les personnes qui ne la respectent pas risquent la prison. Voilà Bernard Moiseau, vous connaissez Madagascar, vous êtes allé évidemment sur place. Cette union verte, est-ce que c'est une solution par exemple justement pour affronter l'adversité? Alors on va dire que c'est une solution, on l'a bien compris, solution locale. Mm-hmm. Le terme de DIN est un terme qui justement renvoie à des serments anciens de respect mutuel qui existaient entre certains groupes ethniques, notamment sur la côte est de l'Afrique, mais aussi à Madagascar. Mm-hmm. Donc ces DIN regroupent un certain nombre de communautés qui prennent un engagement mutuel de protection et de collaboration en cas d'attaque sur les ressources, on va dire dans ce cas-là, mm-hmm. sur leur forêt de l'extérieur. Et à Madagascar, ce type de collaboration entre les communautés pour préserver leur milieu a été rendu possible justement avec des travaux auxquels nous avions participé au milieu des années 90 sur un mode de gestion locale sécurisée des ressources qui s'appelait, en abréviation était GELOS, avec des collègues du CNRS, du CIRAD, mais aussi beaucoup de chercheurs de l'IRD. Et donc ce sont des mécanismes qui ont été mis en place localement et qui maintenant, graduellement et fort heureusement, sont appropriés par les communautés locales qui s'en servent pour préserver leurs ressources. Pascal, nous avons un témoignage. On dit qu'en Guyane, il y a toute une économie basée sur les fruits de palmier, la vente de noix du Brésil, le cacao récolté en forêt, les plantes aromatiques et plus encore, des ressources de la forêt qui font vivre des milliers de personnes. Stéphanie Carrière. Oui, effectivement, on oublie souvent de dire que les forêts sont menacées, les peuples qui vivent dans ces forêts sont menacés, mais effectivement, la première conséquence de la disparition des forêts, effectivement, c'est l'approvisionnement de ces populations qui sont très nombreuses et qui, pour leur survie, utilisent au quotidien pour se nourrir, pour se loger, pour construire, pour se soigner, utilisent les ressources forestières à divers degrés. Une manière également d'obtenir un revenu, c'est de planter des cultures de rente, comme le cacao, le palmier à huile ou des choses comme ça, dans des plantations paysannes ou des agroforêts, ce qui permet effectivement à ces populations d'enrichir le milieu naturel déjà très riche et d'en retirer une ressource importante. Et puis dernière question de Jean-Paul, message qui nous dit: les habitants des forêts tropicales ont vu le défrichement des mangroves pour faire des élevages de crevettes et c'est un échec écologique, semble-t-il. Bernard Moiseau. Oui, alors c'est principalement, je pense qu'il fait allusion principalement à la côte ouest de Madagascar, mais ça commence aussi à se mettre en place au Mexique et dans d'autres régions. La mangrove est un milieu extrêmement fragile dans lequel il y a les frayères de poissons, les crustacés se reproduisent, mais aussi où les humains vont collecter des coquillages et autres. Et ben, on rase les mangroves et à la place, on fait de l'élevage de crevettes intensives qu'on retrouve ensuite dans nos supermarchés. Voilà, pour ceux qui s'intéressent au sujet ou en tout cas qui souhaitent le découvrir, cet ouvrage est fait pour ça. Il donne vraiment une vision très très large de ce que c'est que la vie des habitants aujourd'hui des forêts tropicales. Ils sont 700 millions, on le disait tout à l'heure, et ce livre vient de paraître aux éditions de l'IRD. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans La Tête au Carré. Merci à vous. Infiniment. La science grand format en partenariat avec France 5. Périne Poubeau, bonjour. Bonjour Mathieu. Science grand format ce soir, 20h50, nous partons à la découverte des animaux les plus grands et les plus gros qui ont peuplé notre planète. C'est un documentaire de 90 minutes intitulé « Au temps des géants ». Oui, notre film de ce soir propose un compte à rebours des 10 spécimens les plus impressionnants. Alors Mathieu, attendez-vous à croiser un oiseau aussi large qu'un avion de chasse, un serpent aussi long qu'un bus et un requin qui fait 50 fois le poids d'un grand requin blanc. Alors heureusement, la plupart de ces créatures ont disparu. On compte donc sur les images de synthèse pour les ramener à la vie, surtout sur le travail, Périne, des paléontologues et des biomécaniciens qui se penchent sur l'anatomie et le comportement de ces géants de la nature. Et certains d'entre eux étaient vraiment des super prédateurs, c'est-à-dire qu'ils dominaient la chaîne alimentaire, qu'ils n'étaient la proie d'aucune autre espèce. C'est le cas du dinosaure carnivore Spinosaurus, qui est en 4e place de notre top 10, et aussi du mégalodon, qui occupe la 3e place. Alors, ce mégalodon est un requin qui, aujourd'hui, a disparu de nos océans. Et en effet, on peut s'en réjouir parce que grâce à sa bouche de plus de 2 mètres, il aurait facilement avalé un homme adulte. Bon, on n'a pas affaire qu'à des super prédateurs. Bien sûr, ils avaient tous en commun de ne craindre à peu près personne puisque leur grande taille les protégeait. Mais on trouve aussi dans notre classement de paisibles herbivores. Oui Mathieu, et notamment le Paraceratherium, qu'on appelle aussi le balouchitaire, qui ressemble un peu à un croisement entre un éléphant et une girafe. Mais c'est en fait l'ancêtre du rhinocéros qui est 6 fois plus petit que lui. Alors, comment explique-t-on ces proportions hors normes? Eh bien, on écoute à ce sujet le paléontologue Michael Fortelius. Pour attraper les feuilles, la taille de l'animal était un atout. Il pouvait accéder à la nourriture qui était hors de portée des autres espèces. Cela explique la taille de Paraceratherium, mais pas son poids. La nature de son environnement serait une piste. Il était massif non pas malgré un habitat désertique, mais à cause de cet habitat. Pour un animal de petite taille, une seule journée sans eau est terrible et potentiellement mortelle. Mais plus un animal est gros, plus il a de réserves pour supporter des conditions difficiles. Il peut se passer de nourriture et d'eau. Je pense que c'est la raison de sa grande taille. Voilà, le poids et la taille du Paraceratherium, donc ce pur végétarien, Perrine, serait donc le résultat de son adaptation à un environnement aride. Oui, et celui qui, selon les connaissances actuelles, occupe la première place du podium, est aussi un herbivore. Et sans tout dévoiler de l'identité du plus grand animal de l'histoire, ce serait un dinosaure de la famille des titanosaures, dont on a retrouvé les restes en Argentine. Et on verra à quoi il ressemble ce soir au temps des géants, cette galerie de portraits des champions de l'évolution, science grand format, et c'est sur France 5. Merci Perrine. Merci Mathieu. À la semaine prochaine.